Salut à toi, auditrice, auditeur de Radio Gamozo. L'émission hors format reçoit aujourd'hui deux artistes qui vont peut-être se rencontrer, je ne sais pas, à moins qu'ils se connaissent déjà, on va tout savoir dans quelques instants. Il s'agit d'une part, tiens, j'ai presque envie d'annoncer ça comme un combat de boxe. À ma gauche, hein, accusant je ne sais pas combien de kilos, Serge Dangham, qui est photographe, vidéaste, plasticien. Je vais dire ça comme ça, puisque ça englobe le plasticien, ça englobe plusieurs arts plastiques, la peinture, le dessin. Et à ma gauche, annonçant... peut-être un petit peu moins lourd que Serge. C'est pas sûr. Julien Bouchard, auteur, compositeur, interprète que vous avez déjà entendu ici sur Radio Gamozo, c'était il y a 6 mois, au moment du Nancy Jazz Pulsation. Il fronce les sourcils, on dirait qu'il ne s'en souvient plus. Ah si, je me souviens, parfaitement. Non, il a peur, c'est pour ça. Oui, Julien. T'étais venu nous voir, du coup. Ben non, j'étais pas venu, moi. Ah, ouais. Je t'avais dit que je viendrais, mais ouais, j'ai finalement pas pu venir. Mais apparemment, j'ai oui dire que ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais, c'était cool. On va voir avec vous vos parcours respectifs et puis, bien évidemment, vos actualités. Concernant les parcours, on va... Déjà, c'est vrai que je l'ai promis, et puis là aussi, je n'ai pas tenu ma promesse, pourtant, c'était il y a quelques instants. Est-ce que vous connaissez ou pas? C'est la question rituelle. Non. Non, c'est la première fois qu'on se voit. Je l'ai jamais vu. Ouais. Pourtant, vous êtes d'Épinal, hein, tous les deux. Exactement. Mais Épinal est très grand. C'est ouais. Comme Tokyo, tu vois, ouais. C'est pareil. C'est en périphérie, c'est... Faut voir s'il habite en périphérie ou ailleurs. Ça se trouve, j'habite à côté de chez toi, en fait. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez déjà compris le principe de l'émission, hein, peut-être parce que je vous ai un peu briefé avant, c'est que je vais vous poser des questions, hein, comme toute bonne interview qui se respecte, et puis vous pourrez également échanger entre vous. S'il y a des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas, mais c'est déjà fait, l'échange a débuté. On a déjà commencé à échanger. En parallèle, vos parcours déjà, est-ce que vous avez chacun, vous saviez déjà tout jeunot ce que vous vouliez faire et vous vous êtes donné les moyens pour un, d'être ce que j'ai annoncé, Serge, hein, vidéaste, oui. Plasticien, photographe, et puis toi, la musique. Ouais, là, moi, c'était très tôt. Enfin, très tôt, non, en fait, c'était vers 13 ans. Et donc, pour toi, c'était ça et pas autre chose? En fait, j'ai tout de suite voulu faire de la musique quand j'ai vu Sonic Youth sur MTV. Et que j'ai vu ce qu'ils faisaient avec les guitares. Ils se désaccordaient, ils frottaient les guitares partout. Et je trouvais ça tellement super, cool, que j'ai voulu faire pareil. En fait, je voulais juste avoir une guitare et pas forcément savoir en jouer, parce que j'avais pas compris que les mecs de Sonic Youth savaient jouer de la guitare. Je pensais juste qu'ils faisaient n'importe quoi. Je trouvais ça super cool. Voilà. Et ensuite, c'est ça qui a été le déclic et tu t'es acheté une guitare. Ouais, j'ai tanné mes parents qui m'achètent une guitare et puis j'ai pris des cours avec un voisin, moi, qui donnait des cours de guitare. C'était super. Ça tombait hyper bien. Et j'ai pris quelques années, j'ai pris 3 ans de cours de guitare et puis après je me suis débrouillé tout seul. Conservatoire? Non, j'ai fait juste l'école Music Academy, là, à Nancy International, là, mais j'ai... C'est l'année où j'ai moins joué d'instruments de ma vie, en fait. J'ai arrêté en cours d'année et tout. Je trouvais ça horrible. Et t'as voulu... Mais pourquoi tu trouvais ça horrible? Je trouvais qu'il y avait trop d'informations, il y avait trop de... Enfin, c'était pas du tout l'angle dans lequel je voulais aborder la musique, moi. Disons que je suis allé là-bas parce que j'étais un peu... Je savais pas quoi faire à ce moment-là. Et ensuite, t'as tout de suite monté des groupes? Ouais, j'ai monté des groupes très tôt. À 14 ans, j'étais dans un groupe de reprise de Nirvana. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Sonic Youth, c'est l'époque du grunge. Du grunge. Hein, c'était Nirvana, alors c'était le triptyque Dinosaur Junior, Nirvana, Sonic Youth. Soundgarden aussi? Non, j'ai jamais été très fan de Soundgarden. C'est quand même la mouvance grunge. Non, pas pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie les groupes? Parce ils ont toujours, c'est depuis toujours, ils disaient Soundgarden, Alice in Chains et puis Pearl Jam, qui était pour moi c'était pas du tout grunge quoi. Le grunge c'était vraiment les trucs bien crades, garage quoi. Dans Soundgarden, ça ressemblait beaucoup plus à Led Zeppelin qu'à du Ramones quoi. Pour moi, le grunge, c'était l'après-punk rock, quoi. Enfin, c'était ma définition à moi, personnellement. C'était comme ça que je le percevais, quoi. Et j'ai jamais compris pourquoi ils affiliaient des groupes qui n'avaient rien à voir dans le son entre eux et tout ça. Suite à cette perception, comme tu dis, tu as voulu faire la même chose, donc tu t'es trouvé des petits camarades et c'était parti. Ouais, c'était parti, je me suis trouvé des camarades passionnés avec qui je joue et j'ai remonté un groupe de grunge, là, depuis un an, qui s'appelle Dale. Profitez-en pour sortir vos agendas, puisque vous pourrez voir Dale, qui comprend Julien également. Alors là, vous connaissez certainement, toi, Serge, les Flying Donuts, du côté d'Épinal. Ah non, pas du tout. Non ? Non, le Flying Toaster peut-être, mais pas les Flying Donuts. C'est un groupe national, hein ? C'est un groupe national, ouais. Et, bon, alors, si on veut donner toujours les étiquettes, hein, mais bon, ce sont des repères, tu dirais que c'est quoi ? Bon, je dirais que c'est du punk rock. Hein, ok, il y a Jérémy des Flying Donuts, il y a Laurent qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Fatigue. Alors oui, alors t'es très bien renseigné comme toujours, mais alors Fatigue ça n'existe plus. Laurent lui maintenant il est juste batteur dans Dale quoi. Et c'est le même trio avec qui j'ai commencé vraiment la musique, hein, c'était avec les deux là. Vous pourrez les voir, vous pourrez voir Dale, ces trois gaillards, ça sera presque dans un mois, même moins, le 20 mai au Lavoir Théâtre d'Épinal. Ouais, on a quelques dates là, il y a le 20 mai, il y a Nancy à l'autre canal, normalement, ça, on attend la confirmation, mais c'est super bien parti pour qu'on fasse la première partie de The Soft Moon le 8 juin. Et puis il y a une date à Mulhouse, je crois que c'est fin mai, je sais plus exactement. Il y a une page Facebook, ouais, y a une Dale, page Facebook Dale, D-2-A-L-E. Ouais. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller voir sur la page de Julien Bouchard, hein, et je pense que tu tiens aussi je tiens au un peu courant. Informé le truc. Et ouais, on joue aussi à Nancy le 14 juin. Mais je reviens au 20 mai, c'est important, puisque peut-être que Serge, qui habite pas loin chez Dynamor Théâtre, pourra aller faire un tour. Absolument. C'est pour la bonne cause, puisque c'est les 10 ans de l'association qui s'appelle les Voyageurs du Son, qui organise des concerts sur Épinal, même au-delà. Je me rappelle qu'ils avaient fait venir Eiffel, le groupe Eiffel. C'était chez Narcisse à l'époque au Val d'Ajol. Et donc voilà, ils vont faire la teuf. Il y aura un autre groupe avec vous. Les Fondras, ouais. Qui joue du post-rock. Je crois bien. Qui sont de Lyon. Et l'entrée est libre. Alors, il est c'est précisé prix, que c'est pas gratuit. Hein, entrée libre, chacun donnera. C'est au chapeau. Enfin, l'entrée, c'est prix libre. Chacun décide de ce qu'il met dans le truc. Ok. Notez ça, le 20 mai à 20h au Lavoir Théâtre. Ça, c'était la parenthèse hein, pour dire, toi, l'amour que tu as à la base de la musique rock et des groupes joués avec les copains. Ouais. Le tout premier alors que tu as monté, c'était pas The Silent Days. Non, c'était Dirty Youth avec les deux là qui vont maintenant s'appelle Dale parce que Dirty Youth, maintenant qu'on est vieux, ça faisait pas crédible. Et pourquoi ce nom là? Dirty Youth. Alors Dirty, c'était parce qu'on on adorait l'album de Sonic Youth qui s'appelait Dirty. Et du coup, on a pris Dirty et Youth de Sonic Youth puisqu'on avait 14 ans. Alors on était, voilà, c'était un jeu de mots un peu foireux, mais on était contents. Après Dirty Youth, c'était? C'était Shoe Gang du punk rock roulette. Il y a pas de trace de ça. Ouais, il y a eu des CD de pressé, tout. On a enregistré des splits avec des groupes, tout en jaune, on a fait des tournées, on a fait des trucs. Mais c'était avant l'ère d'Internet, quoi. C'est une émission tout publique, hein. Il faut que tu traduises ce qu'est un split. Un split, c'est un disque où il y a deux groupes sur le même disque. Après donc ça a été moi j'attends que tu arrives à The Silent Days. Et ben après j'ai bricolé des années à faire des projets à droite à gauche, j'ai voyagé un peu et puis après j'ai écrit mes chansons sous mon nom, ça s'appelait Jules, c'était en 2004, j'ai eu quelques chroniques dans des super magazines et tout ça et après j'ai démarché des labels, on a signé sur un label qui s'appelle Anorak Supersport et là on a changé de nom pour The Silent Days. Excellent le nom du label. Anorak Supersport. C'est un label belge qui existe toujours d'ailleurs. Et vous allez voir, c'est ça qui est aussi marrant avec toi Julien, c'est que toi tu as toujours signé sur des labels indépendants belges. Bah, ouais, enfin j'ai signé sur deux labels indépendants belges. Puisque après celui-ci, Anorak Supersport, celui maintenant qui t'intéresse, sur lequel tu as publié tes soutient, albums ouais, solo. C'est Hot Puma, mais c'est parce que c'était avec un des gens qui sont aussi dans Anorak Supersport, c'est pour ça. Toujours une affaire, une histoire de réseau, on verra ça aussi avec toi Serge. Ah oui. Avant d'en venir à toi, à ton parcours, on va écouter tout de suite un morceau de The Silent Days. Ah ouais. Bah, Alors... c'est le même cas 6 mois, puisqu'il y a tellement à dire sur ce morceau. Tu vois ce que c'est ? Malheureusement, c'est pas une de vos compos. Ah oui. Même si vous l'avez fait, vous l'avez bien sûr réarrangé, ce titre d'Echo and the Bunnymen. Ouais, exactement. Qui s'appelle The Killing Moon. Le morceau s'appelle The Killing Moon et le groupe The Silent Days qui avait, puisqu'il n'existe plus, dans ses rangs, Julien Bouchard, ici présent, auteur, compositeur, interprète, qui maintenant navigue seul, quoiqu'il n'est jamais seul, hein, toujours accompagné sur scène de ses musiciens. Et il y a aussi dans ce studio Serge Dangam, vidéaste, qui a monté sa boîte, Medus Prod. C'est ça. Qui est peintre, dessinateur, photographe. Et peut-être bien plus encore, on va voir ça dans quelques instants. Avant, J'aimerais que tu nous dises, Julien, ce morceau qu'on a entendu, reprise d'Echo and the Bunnymen, un groupe anglais qui a débuté dans les années 80. Eh ben, on l'a entendu dans une série américaine, c'est fou. Ouais. Ce morceau a été repris pour, enfin, utilisé dans la série The Following. The Following, ouais, exactement. Une série qui a duré 3 ans, hein, j'ai pas suivi, j'ai regardé juste l'épisode où il y avait la chanson. Bah, elle était marrante. En plus, la scène où est passé votre c'était titre. C'était un baiser entre deux hommes. Ouais. Exactement. Allez voir ça, hein, sur Internet. Alors, moi, j'aimerais que tu nous dises pourquoi, la série américaine a choisi votre version. J'aimerais bien avoir la réponse, mais je l'ai pas, moi. C'est le label qui a dealé ça avec, la Fox. Directement. Alors moi, ils m'ont dit qu'ils ont trouvé la chanson sur YouTube, mais elle jamais été sur YouTube avant la série. Et je sais pas où ils l'ont trouvée. Ce qui est fou, c'est qu'on est le seul petit groupe sur la playlist de la série. Il y a que des gros groupes, quoi. Et nous, on est en plein milieu. Et je sais pas. Franchement, c'est le genre de choses qui arrivent jamais, en fait. Et ce morceau a été repris maintes et maintes fois. Déjà, ils auraient pu prendre la version des Echo and the Bunnymen ou alors une des reprises d'un autre groupe, hein, comme Pavement, qui la reconnaît très bien. Groupe indépendant, américain. Connu. Ouais. Et je sais pas pourquoi ils ont pris la nôtre. Peut-être qu'ils ont moins vraiment... cher. Moins cher. Ils ont quand même payé tout. Il y a quand même Madonna sur la série, quoi. Je pense que Madonna, elle prend un gros billet. Et du coup, je pense qu'ils avaient du budget pour payer les musiques, quoi. Vous avez été payé, vous ? Ouais. Donc, je sais pas. Franchement, ça m'échappe. C'est une histoire d'une autre dimension, là. The Silent Days a publié un album, et avant ça, c'était un 4 titres, je crois. Après, c'était un EP. On a fait un album et un EP. L'inverse de ce qui se fait habituellement. Oui. Est-ce que tu fais, toi, aussi Serge, toi, est-ce que tout comme Julien, dès l'enfance, tu as su, ou l'adolescence, ce que tu voulais faire, et tu t'es donné les moyens pour ça ? Ouais, ça a commencé très tôt. C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné, en fait. Ça a commencé très très tôt. Ça s'est jamais arrêté. Apparemment, d'après ma mère, je dessinais sur les papiers peints. Ça lui plaisait moyen. Mais donc j'ai continué et je me suis jamais arrêté. Voilà. Le dessin, effectivement, ça a toujours été là. J'ai envie de dire presque comme tous les gamins. Presque comme tous les gamins, mais peut-être plus dévorant chez moi. Je pense que il y avait quelque chose de très viscéral, par rapport à d'autres gamins. Enfin, je les voyais, les autres, ils dessinaient pas tant que ça, quoi. Ils dessinaient, ils gratouillaient un peu, mais c'était pas. Moi, je m'enfermais dans ma chambre. Pour ensuite en faire son métier, ou en tout cas se servir de ça dans son métier, de cet art. Qu'as-tu fait comme école ? Je suis passé donc par le lycée d'art appliqué à Loritz, à Nancy. De la seconde à la terminale, et ensuite je suis parti aux Beaux-Arts de Nancy pendant 4 ans. Je dis bien 4 parce qu'il y en a une que j'ai repiqué une année où j'ai bien planté parce que je faisais pas grand chose. Et c'était très bien, très formateur, parce que on rencontre plein de gens différents. J'ai découvert vraiment ce que c'était que que l'éclectisme, que l'ouverture culturelle. Clairement, au lycée, j'ai rencontré des gens, mais ils étaient fantastiques. On était une famille, vraiment. C'était assez impressionnant. On se retrouvait d'année en année, et on était dans la même promo. C'était vraiment très, très, très, très chouette, ouais. À ce moment-là, tu savais vers quoi tu voulais aboutir ? Pas du tout, parce que, en fait, je savais que ça graviterait dans le monde artistique, mais quoi exactement, aucune idée. C'est après que tu es allé à Strasbourg ? À l'UFM. C'est marrant ça, comment tu sais ça? Tout le monde me dit toujours ça, arrêtez les gars, je sais tout sur tout, le monde. J'ai des petits papiers, des petits dossiers. Ouais, remarque, en fait, on plante tellement de choses sur Internet, je pense que... C'est ce que je dis aussi à chaque fois, c'est que... C'est ça qui est terrible, c'est qu'on oublie toutes les informations qu'on a mises qui sont sur Internet disponibles. Tout est disponible. J'ai l'impression que toi, tu as quand même des infos qui sont même pas sur Internet. Ah bah oui, mais ça c'est le réseau. Ça se trouve, il nous épiche chez nous, on sait rien du tout. C'est lui, en fait. Big Brother. Et caméra, moi aussi, j'utilise des caméras, Serge. Oui. Je vais regarder chez moi si tu y es, tu vois. Je vais regarder ça. Et oui, donc Strasbourg, c'est venu juste après les Beaux-Arts de Nancy. Ouais, après la fac d'art plat de Metz, par lequel je suis passé pendant un an. Et, tu l'as pas, cette info, hein. Et donc, je suis passé effectivement à Strasbourg pendant, je crois, 3 ans à peu près, quelque chose comme ça, pour aller à l'IUFM pour devenir prof. Et c'était aussi une belle formation, parce que les profs de Strasbourg, en fait, à Marc Bloch, à l'université, étaient vraiment très intéressants. Voilà. Et Strasbourg est une très belle ville cosmopolite et j'adore. Enfin, c'est culturellement parlant, il se passe tout en fait. Ça te correspondait, cet vraiment. Environnement? Vraiment, oui. Ouais, ouais, ça parlait toutes les langues et je me sentais bien parce que du coup pas quelqu'un en particulier. J'étais noyé dans une masse et ça m'allait bien. Ouais. Là, tu savais ce que tu voulais faire, hein, c'était être prof. Tu l'es devenu. Je savais ce que je voulais faire alimentairement parlant. Parce que c'était pas une vraie vocation non plus. J'ai été prof pendant 12 ans, mais c'était pas un sacerdoce quoi. Ça m'a servi pour vivre tout simplement quoi. Tu l'étais où? En commençant la première année, j'étais à Brumath. Ensuite, j'ai bifurqué pendant 7-8 ans, je sais plus, en Haute-Loire, un département que personne ne connaît, hein. Si, vous le connaissez? Oh, non, pas du Mika, tout. Mika, Julien. Je sais pas, il y a une salle de concert là-bas, non? Je crois. Mais bref, en fait, c'est vraiment perdu entre. Enfin, c'est le département du Puy-en-Velay, voilà. Et il y a pas grand-chose à faire. Voilà. Ouais, tu n'es pas resté en poste au même endroit pendant tes 12 années. Hein, non, non. Tu as bougé. Oui. Et quel a été, là aussi, un autre déclic? Te dire, bon, maintenant, ok, l'alimentaire, c'est une chose, mais j'ai envie de faire ce que je porte en moi et monter ma propre boîte. La vie se charge de t'apporter tout ça, en fait. Ça s'est fait un peu malgré moi, un peu... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu changes de situation familiale, tu changes de... Enfin, dans la vie, en fait, il se passe tellement de choses que ça te pousse à ça. Et je me suis dit, tiens, ma vie maintenant, en fait, personnelle, me permet et me donne la possibilité, ouais, effectivement, d'aller... dans cette direction, là où j'avais envie d'aller au départ, quoi, finalement. Donc, le fait de se retrouver seul te permet d'avancer dans la direction que tu t'es donné au départ, que tu n'avais pas suivi parce qu'il y avait d'autres contraintes, d'autres personnes avec toi, etc., etc. Medus Prod est né. Exactement. C'était en 2012 ? Attends, je réfléchis, ça doit être un peu plus tard, je crois. 2014 ? Qui dit mieux? Écoute, je c'était il y a 4-5 ans pas. Ouais, c'est à peu près ça, 5 ans, ouais, je crois. Ouais. Tu sais, toi, non, en fait? Pas du tout. Non. Tu prêches le faux pour savoir le vrai, en fait. Attends. À un moment donné, tu vois, il se fourvoie quand même dans ce qu'il dit. Hein. Vous pouvez taper dans votre moteur de recherche, Medus Prod. Alors, Meduse, oui. M-E-D-U-Z, P-R-O-D pour Prod, oui. En un mot. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que j'en cette étais boîte sûr, oui. C'est une boîte qui permet de regrouper plusieurs médias différents, aussi bien de la photographie que de la vidéo, que maintenant l'illustration et l'infographie. Donc je vais essayer de développer effectivement tous ces versants-là. Meduse parce que justement il y a un côté tentaculaire aussi dans ce que je fais et j'aime toucher à beaucoup de choses. Différentes disciplines. Exactement. Et à un moment où tu les utilises seul ou alors tu les mixes? Alors j'aimerais bien les mixer, mais c'est toujours délicat en fait. C'est un vieux rêve que j'ai de pouvoir tout regrouper dans un seul et même média, qui serait, je pense, la vidéo. Mais ça me semble compliqué. Il faut que je trouve en fait cette forme là. Et là, le jour où j'aurai trouvé, je pense que je pourrais mourir en paix. Sur le site internet medusprod.fr ou sur la page Facebook, hein, tu en as une également. Tu en as même deux, puisque tu as celle de l'artiste peintre Serge Dao. Mmh, c'est ça. Mais de toute façon, c'est relié. Hein. Si on va sur l'une, on arrive à aller sur l'autre. Oui. En tout cas, on peut voir certaines vidéos. Tu t'adresses aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Puisque ça peut aller, ce que tu proposes, du clip ou du film promotionnel, ça peut aller aussi même, alors là je trouve ça original, hein, des faire-part. Oui. Des faire-part de naissance, oui, par ça. Exemple, oui. En vidéo. Ça c'est un joli cadeau, ça change de celui papier tout simple. C'est ça. On a des exemples hein, sur ton site, on peut voir ce que ça donne. Mm. Les collectivités aussi. Je peux bosser en fait pour n'importe qui. Finalement, je m'adapte à tous les projets. Et, je pourrais même bosser pour Julien, par exemple, à un moment donné. Et oui, clip musical, parce qu'on. Ou plutôt avec Julien. On parlera tout à l'heure de la falaise. Et je pense que on pourrait peut-être travailler là-dessus ensemble. Mais j'espère, hein. Le but aussi de cette émission, c'est que les gens, je le disais, puissent se rencontrer et puis pourquoi pas travailler sur des projets communs. En tout cas, peut-être que vous allez vous trouver au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission des points communs, puisque je pense de toute façon, toi, Julien, le visuel, on le voit hein, sur notamment la pochette de ton dernier album, Songs from the Chamber. From la chambre. From la chambre. Il y a un visuel qui a été travaillé, hein, qui a un joli dessin. Ouais, c'est une artiste hein, carrément qui a fait le dessin. Donc tu donnes de l'importance aussi au visuel. Moi, je donne de l'importance au visuel, ouais. Même si dans certains de mes clips, on dirait pas, mais ouais. En fait, la pochette du disque, c'est carrément une œuvre. Hein. C'est une artiste japonaise qui s'appelle Emi Uda dont je suis fan des dessins, qui m'a fait un dessin pour le disque. Donc, ça va au-delà du simple fait de chérir le côté visuel de son disque, quoi. Une artiste japonaise? Ouais. Le Japon, Serge, tu y es allé, puisqu'on peut voir une vidéo qui a été tournée à Tokyo. Oui. Est-ce que, j'en profite, ton nom, je l'ai bien prononcé, Dangam? Ouais, parfait. C'est de quelle origine? Du Laos. Est-ce que toi, tu veux nous donner deux mots sur c'est une culture que tu as en toi, que peut-être tu utilises dans tes œuvres? Dans ton travail? On me l'a souvent demandé, mais je sais pas, j'arrive pas à faire la part entre l'inné, ce qui est cultivé et le reste. Je pense qu'à partir du moment en fait où tu vis dans une éducation qui t'apporte tout ça, tu l'intègres en fait. Tu l'intègres et tu le digères. Je pense que tout ça, effectivement, tout le folklore qu'il y a autour de la philosophie bouddhiste par exemple, que ma mère m'a transmise. On l'a et elle se propage ou se diffuse en fait à travers ce qu'on fait. Je pense que dans mes vidéos, il y a peut-être cette espèce de douceur, de fluidité qu'on pourrait visualiser en fait dans l'esprit un peu asiatique, enfin dans le côté un peu asiatique. Mais je sais pas, oui c'est possible. Je pense que on est la somme de tout ça. Je peux pas mettre le doigt exactement sur certaines choses, mais je pense qu'on est la somme de tout. Ouais. Julien utilise le visuel pour ses chansons, ses albums. Toi, tu utilises la musique pour tes vidéos. Oui. Ce sont des musiques originales ou alors tu utilises toi tu ne composes pas par exemple? Non, pas du tout. Non. Tu fais composer ou tu utilises ce que tu trouves? Je vais faire composer Julien bientôt, d'ailleurs, sur un mon prochain film, puisqu'on vient de se rencontrer. Non, j'écoute énormément de musique à côté, et il y a effectivement des morceaux qui me parlent plus que d'autres, des morceaux qui vont m'emporter vraiment, je sais pas, oui, pour moi, la musique, en fait, elle touche vraiment quelque chose qui est très profond, qui touche l'âme, au même titre que certaines peintures vont le faire, par exemple. Et la musique, en fait, pareil, j'arriverai pas à déterminer ce qui va vraiment me toucher. Il y a des mélodies, il y a des rythmes, c'est subjectif, quoi. Complètement. Ouais. Je sais pas, justement, je pense que Julien, enfin, j'ai écouté un peu ce que tu faisais, par exemple. Oui, il y a des morceaux qui sont très proches, par exemple, de Sébastien Tellier, je trouve. Enfin, et j'aime bien en fait ce côté très très doux, en fait, très planant. Storytelling, planant, ouais, c'est ça. Ça raconte énormément de choses. Et on se laisse embarquer, en fait, par ça. Et donc, moi, c'est pareil. Enfin, dans la musique, ou comme dans les films, ou comme dans la peinture, j'essaie le plus possible de me laisser embarquer par les émotions, ouais. Pour l'un ou pour l'autre, ce sont des ambiances que vous véhiculez. Oui. Ah oui. Finalement, peu importe le support, ce sont des ambiances, je le disais, et des ressentis. Des ressentis, des sentiments. Ouais. Après The Silent Days, Julien, il y a eu un autre groupe spinalien qui a bien marché. On parlait des Flying Donuts tout à l'heure. Toi, tu en as pas fait partie. Par contre, Coco Business Plan. Ouais, bon, ça a bien marché, pas non plus, mais on s'est bien amusé, quoi. C'était super chouette. C'était d'ailleurs avec un artiste spinalien qui s'appelle Vincent Loisy, connais peut-être, Serge. Le nom. Graffeur, illustrateur, Vince. Ah, ok. Oui, c'est bon. Oui. Tu connais. Ok. Enfin, je le connais pas perso, mais je vois ce qu'il fait. Et puis souvent, c'est ça, on connaît les personnes par leur blaze, en l'occurrence. Par leur blaze, ouais. Et puis pas leur vrai nom. Ouais, on écoute un morceau tout de suite de Coco Business Plan. Ça pourrait être... Ah oui, bien sûr. Basketballs. Basketballs. Basketballs, Coco Business Plan, Julien Bouchard était de la partie. C'est fini, Coco Business Plan aussi. Un EP, un LP. Ouais. Et puis ça en va. Ça peut revenir. Ouais, avec la Divins. Ben ouais, si l'idée nous prend, on recommencera. Et tu as eu envie, après toutes ces expériences de groupe, d'être sous ton nom, Julien oui. Bouchard. Oui. Pourquoi? C'est plus simple, en fait. Comme ça, bah, ouais. De toute façon, c'est vrai que ce qu'on a entendu là, hein, ces deux groupes, c'était toi qui écrivais les morceaux, qui composais. Dans Coco Business Plan, le concept du projet, c'était de partir vraiment sur une impulsion qu'on avait tous les deux, quoi. Hein, on partait, on composait sur un truc qu'on avait buffé ou un rythme que Vince avait trouvé, et puis on se servait de ça pour aller le plus vite possible dans le processus de composition. Donc on va dire qu'avec Coco Business Plan, on composait tous les deux. Après dans Silent Days, c'est moi qui faisais tout, quoi, en gros. Et bien, peut-être à peu près au même moment que Serge a créé Méduse Prod, toi tu es parti en solo, hein, puisque ça fait 4 ans, je bah crois. Ouais, parce que j'avais aussi envie de changer un peu de... pas de style, parce que ça reste toujours dans le même univers, mais j'avais envie de chanter en français, puis de faire quelque chose d'un peu différent. Alors du coup, je me suis dit qu'en changeant le nom du truc, en venant sous mon nom, ça identifierait le projet clairement. Parce que si j'avais fait ces chansons-là sous le nom de Silent Days, par exemple, ça aurait perdu un peu les gens qui aimaient bien le côté rock dans Silent Days, qui aimaient bien le côté college radio, machin... Et vu que je voulais plus trop faire ça, voilà. Ce qui est rigolo, hein, dans ton parcours musical, c'est qu'on commence, alors même avec plusieurs groupes rock, ouais. Puis on met un peu d'eau dans son rock, c'est-à-dire de la pop, rock, ouais. De la pop, ouais. Ça devient Coco Business Plan, c'est ouais. Déjà cette déclinaison, ouais. Et puis en solo, c'est de la pop pure. C'est vrai, c'est ça. C'est ça, mais ça m'empêche pas de faire un groupe de gros rock là, juste à côté. Dalle, comme on disait. Souvent, les artistes, plus particulièrement les artistes indépendants, ça rejoint aussi ce que tu disais, Serge, hein, ont besoin d'utiliser plusieurs, les cordes qu'ils ont à leur arc et toutes, c'est-à-dire avoir aussi des projets parallèles. Ouais, parce qu'on peut pas rester dans un truc. Moi, j'ai besoin de jouer avec des gens. J'accompagne aussi souvent plein des artistes en concert. Souvent, Eddie Laguiatch à la basse. J'adore jouer avec lui parce que déjà je fais de la basse avec lui en concert et puis ça me permet de jouer avec d'autres musiciens, de jouer d'autres chansons et il y a un gros côté rock aussi, enfin je sais plus pourquoi je parle là-dessus mais il y a plein de musiciens qui sont comme moi qui ont besoin de jouer dans plein de choses quoi. Eddie Laguiatch, artiste nancéen. Ouais. Là, on est avec Julien au moment les années 2014-2015, il se trouve qu'en 2015, Serge, tu as gagné un prix au Musée d'art contemporain d'Épinal. On peut voir la vidéo, je crois, sur les deux pages Facebook, hein, que ça soit Serge Dao. Alors, vous tapez S-E-R-J, plus loin, D-A-O, Serge Dao Paintings. Et on voit tes peintures et également cette vidéo qui a été primée. Et là aussi, hein, ça rejoint finalement... Ça pourrait être l'œuvre qui fait se rejoindre tes différentes disciplines. Oui, c'est vrai. Puisque moi j'ai eu l'impression en la voyant, vous irez voir cette vidéo, que ce sont des peintures en mouvement, des tableaux qui comme ça prennent vie. C'est vrai que c'était cette volonté de peindre numériquement et pas juste des choses immobiles. Au contraire, enfin pour la vidéo, ça n'a aucun intérêt. Du coup là, effectivement, de travailler sur des glissements de couleurs, des mouvements, des choses très très lentes, très diffuses, et toutes ces couches successives vont venir justement texturer, qui vont venir se télescoper comme ça, et ça c'est assez intéressant à faire. Ça c'est vrai que j'aime beaucoup le faire, mais j'arrive pas à en vivre. c'est ce qui est un peu dommage. Mais là j'arrivais effectivement à quelque chose qui me correspondait presque totalement, effectivement, comme un art total, comme quelque chose qui va venir effectivement être un conglomérat de toutes les émotions que je peux ressentir et aussi de toutes les choses que j'aime, donc la peinture, le dessin, la vidéo, le son également, enfin tout participait effectivement à quelque chose qui devenait enfin, qui marchait avec synergie et symbiose. Tu te souviens quel était le sujet de ce concours du musée départemental ? Oui, tout à fait. C'était une peinture qui avait été apportée au musée et elle devait être, je crois, dépoussiérée ou retravaillée, quelque chose comme ça, je crois, hein, il me semble. Ils en avaient fait un texte. Un poème, je crois, et une description. Et donc Richard Rognière, le poète qui est pas loin, qui est venu à votre place il y a quelques semaines, de Don Martin les Remiremont. Richard Rognière. D'accord, je me souviens plus des noms, mais oui, je te fais confiance. Et donc à partir de ces textes, il fallait justement faire quelque chose. Le quelque chose était assez vaste, hein, parce qu'il n'y avait pas de médias particuliers. Ça pouvait être de la photo, de la vidéo, de la peinture, du dessin, enfin... ce qu'on voulait, et du coup, moi, je suis parti effectivement sur de la vidéo, ce que je savais à peu près faire. Il y a eu d'autres participations à des concours. Je crois que tu as été primé par rapport à la passerelle. Ça dit quelque chose j'avais vu ça. Oui. Et c'est là aussi où on rajoute quelque chose. Moi, j'ai été surpris. Tu as aussi fait du reportage avec la vidéo sur Michel. Oui, c'est vrai. C'était très intéressant comme concept d'ailleurs. Je crois que c'était 72 heures de vidéo ou quelque chose comme ça, ou peut-être un peu moins. Bref, une sorte de marathon où on devait tout filmer et rendre ça au bout de 72 heures. C'était un pari énorme où j'ai très très peu dormi, où je crois que j'ai pas dormi en fait du tout. Et du coup, il fallait rendre ça dans les temps et on participait effectivement à un concours. Oui, j'avais été primé pour Michel, qui était une personne magnifique que j'avais rencontrée à Metz. Quelqu'un qui donnait de son temps, qui avait 72 ans, je crois, à l'époque, qui pédalait jour et nuit pour aller chercher du pain, enfin des invendus dans les boulangeries, pour les amener en fait à des personnes qui n'avaient absolument pas les moyens de s'alimenter ou de se loger. Une personne vraiment énorme, enfin incroyable. Une philanthropie que j'avais encore jamais vue chez quelqu'un. Enfin bref. Vous pouvez voir, je sais que ça vous donne l'eau à la bouche, tiens, à propos d'eau, Julien, resserre-toi un verre. ces vidéos sur lesquelles on parle, hein, le mieux, c'est d'aller les voir, d'aller les regarder sur la page Facebook de MedusProd, ou alors le site hein, medusprod.fr. Meduse, on l'a dit, hein, ça s'écrit pas comme la méduse S-E, c'est Z, même si ça vient de la méduse. Oui. Puisque ce côté tentaculaire dont tu nous parlais tout à l'heure, que tu évoquais. Et encore d'autres choses d'ailleurs derrière la méduse. On va voir. Qu'est-ce qui se cache derrière la méduse de Julien Bouchard? Et il y a par exemple Color of the Sand, ce premier morceau en solo. Ouais. C'était en justement 2014-2015. Ouais. Ah, tu m'as compris, je crois, puisque ça c'est un morceau qui peut être joué en direct dans le studio de Radio Gamozo. C'est un titre simple à la gratte sèche. Ouais, mais je vais pas faire celui-là, non, j'avais déjà fait la dernière fois. Ah oui, mais ah. Toi, tu aimes bien celui-là. Ouais, j'adore. Ouais, mais j'ai pris ma guitare nylon, ça. Je vais t'en jouer une autre. Ça dérange pas. Mais pas du tout. Maintenant là. Mais je crois que c'est le moment. Ok. Doesn't care about his son. Is there something he loves more than present moment? Everything is for him something boring. Poor kitty will go away. It's not a game. Angry man. He built cities over walls. He built cities over lights. Now is he ready for his fall? Angry man still looks afraid to die. Angry man, you sound out of breath. There were many other wives. Not again, angry man. Merci Julien Bouchard, Hungry Man, extrait de l'album Songs from La Chambre qui est sorti l'an passé, donc c'était quelques années après Color of the Sand, qui était le premier titre que vous pourrez écouter, en tout cas Que ça soit sur le Bandcamp, je crois, par exemple, on peut l'entendre. Il y a un clip, oui. Hein, de toute façon, t'as fait des clips pour toutes les chansons, presque. non, mais j'en ai fait 4 ou 5. Sur la chaîne YouTube. Alors, il n'y a pas une chaîne YouTube Julien Bouchard. Par contre, Hot Puma Records, ce label belge qu'on évoquait tout à l'heure. Mais lui, à chaque fois, tous les clips que tu enregistres, et là, on peut le voir. Hein. Mais même... en tapant Julien Bouchard, on tombe sur cette chaîne YouTube de Hot Puma Records. Et puis, tu n'as pas de site, contrairement à Serge, tu as juste cette page Facebook, ouais, ça te suffit amplement. Ouais, parce que le label a un site avec toutes les infos. C'est un label qui est quand même un label costaud, hein, un indépendant belge qui a déjà sa réputation. Ouais, je pense qu'il a une bonne petite réputation, il fait des chouettes trucs. Pour ce premier donc morceau, je reviens quand même. C'était le déclic ou alors je me trompe en pensant ça, Color of the Sand? Non, le premier morceau que j'ai vraiment fait chez moi et j'enregistrais, c'est Travels, mais c'est le premier morceau que j'ai fait, c'est sur Travels EP. C'est un 5 titres. Ouais. Et c'est vraiment quand le label m'a fourni du matériel pour enregistrer chez moi et tout, c'est après un mois passé à bricoler sur le logiciel et tout, c'est vraiment le premier morceau qui est sorti de ma chambre. À part avec Silent Days, toi à chaque fois tu sors 4 ou 5 titres, puis l'album. C'est précurseur de l'album. Un peu, ouais. C'est un fonctionnement qui est réfléchi. Bah c'est non. C'est par rapport aux moyens financiers. Plus ou moins, j'y ai toujours. Ouais, c'est inconscient, mais c'est vrai qu'on fait, on met un EP en éclaireur un petit peu, voir si. Comment ça se passe, quoi? S'il revient vivant, allez, passe devant, on va voir comment tu reviens. Mais c'est vrai qu'avec le Travel the Pay, il y a quelques chansons qui sont passées un peu en radio là-bas en Belgique, et du coup, ça a enchaîné direct, un an après sur l'album, parce que moi, je mets du temps à faire les choses. C'est ça la force d'avoir un label belge, hein, c'est qu'en Belgique, t'es bien diffusé. Ouais. Sur la RTBF. Ouais. Et puis c'est marrant, hein, parce que dans la playlist, il y a autour de toi, t'es bien entouré, les Grands Corps Malades, les Chamfort, Dao et j'en passe. Ouais. Mais la Belgique, c'est bien parce que c'est un tout petit pays et du coup, on est au même niveau que des grands artistes qui vendent beaucoup de disques. Quand on passe en radio ou quand on fait des concerts, les gens n'ont pas d'a priori sur le fait que tu sois inconnu. Serge Daungam, vidéaste, peintre, dessinateur, photographe. Je t'ai rencontré, connu ton travail grâce à la compagnie L'Aéronef pour qui tu as tourné quelques vidéos. Oui, c'est ça. Comment s'est passée la rencontre? Comment tu en es venu à collaborer avec eux? Très belle rencontre, faite par mail au départ. C'était même inespéré en fait. Ils ont répondu à un mail, ce que la plupart des gens ne font pas. C'est toi qui as démarché. Tu connaissais leur travail? Plus ou moins. Disons que j'ai fait un peu le même travail que toi. Je suis allé chercher et fouiner sur internet. Et du coup, j'avais vu effectivement que la compagnie existait sur Épinal, comme d'autres associations d'ailleurs de danse, etc. Et donc, je les ai contactés par mail. Et ils m'ont envoyé un mail qui m'indiquait qu'ils auraient certainement besoin un peu plus tard d'un vidéaste. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça sur Love Songs, que tu as vu, je crois. Oui, un spectacle alors là aussi, hein, juste là, c'est pour la parenthèse, tout comme toi, vous rejoignez avec la compagnie Aéronef, c'est que c'est multidisciplinaire. Oui, c'est vrai. Même si à la base, c'est une compagnie de danse, après, tout comme ce spectacle Love Songs, pour lequel tu as tourné un teaser, une bande-annonce, moi d'ailleurs, j'ai découvert le spectacle et j'ai eu envie de voir le spectacle grâce à ta vidéo. Mais tant mieux. Je dois le dire. Et donc, ça marie la danse, mais le chant aussi, c'est un spectacle, hein, à part entière. Oui. Chant, danse, musique. Avec Anne Marion en guest star. Et Jean-Nicolas Mathieu. Oui. Et Morgane. Anne Marion. Anne Marion, tout court. Je crois que c'est ma cousine, elle danse. Oui. Contemporaine et tout ça. Bah regarde, tu l'as là, attends, j'ai vu. Non, c'est ce chorégraphe. Elle est représentée dans le studio de Radio Gamozo grâce à un flyer d'une exposition qu'on va évoquer, puisque là aussi. Ça fait partie c'est drôle, ça. Dites-nous, dites dans les micros ce que vous dites là. Non, mais je disais que Anne-Marie, enfin bref. C'est de ta famille. C'est de ma famille. Ouais. Anne-Marion serait la cousine de Julien Boucher par alliance. C'est ça, Bouchard. Ah, je connais ça, Julien Boucher, pardon. Excuse-moi. Oui, ce flyer que tu tiens dans la main, Serge, oui. Ça rejoint, tu vas finir ce que tu disais par rapport à ce spectacle Love Songs. Mais ensuite, il y a cette collaboration. Ce flyer, c'est l'exposition Excursus avec Anne Marion et Dominique Georgel qui étaient venus aussi en parler ici. Oui. Pour lequel, enfin, tu as participé à cette expo. Mais avant ça. Avant ça. Avant cette expo, il y a eu d'autres collaborations avec la compagnie L'Aéronef. Rafraîchis-moi un peu. Je t'aimais, oui, mais tu as tourné. Exact. Une vidéo, un clip de ce spectacle. Oui, c'est un impromptu chorégraphique qu'elle a réalisé, c'était l'an dernier, je crois, où elle reprenait des chansons de Serge Gainsbourg sur 15 minutes sur les déceptions amoureuses. Voilà. Oui, je crois que c'est ça. On peut voir les vidéos. Alors, toi, tu les Est-ce as qu'on... pas mises. C'est sur la chaîne YouTube de la compagnie L'Aéronef. On peut. Ouais. Pour Love Song, on peut voir le teaser sur ton site, Serge. Et pas pour jeter mes lumières. C'est ça. Effectivement, c'est un oubli possible. Et puis ça continue cette collaboration avec la compagnie. On continue à bosser ensemble. Et très très bien d'ailleurs. D'ailleurs, par rapport à l'expo dont tu parlais. On a collaboré, enfin, donc avec Anne Marion sur de la danse et une sorte de vidéo concept où on la voit se dupliquer à plusieurs endroits dans un premier temps et dans une autre vidéo où on la voit se démultiplier au niveau du mouvement, c'est-à-dire que on la voit sur plusieurs étapes de son mouvement. Comme s'il s'agissait d'une chronophotographie, par exemple, de Muy Bridge, ou alors d'un nu descendant l'escalier de Duchamp, par exemple, où on a effectivement cet éventail de bras qui se suivent, de jambes, etc., etc. Et donc ça, c'était très intéressant à faire, effectivement, avec elle, et à montrer surtout. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Mika. Mais je vais le dire. Julien, tu as compris, tu n'as pas une seule cousine, mais tu en as plein, parce que des Anne-Marion, il y en avait partout dans ces vidéos. Je t'en souhaite. Hein. Dans ces vidéos de Serge Langame. Je la connais pas bien. Je la connais pas bien, mais je sais que. Enfin, bref. On va développer sur cette expo, puisque je l'ai vu, j'ai aussi des choses à dire, à te demander, puisque j'ai découvert l'autre facette de Serge, c'est-à-dire le peintre. Oui. Avant cette expo là, tu bosses actuellement avec Anne et Jean-Nicolas pour leur prochain spectacle, le prochain spectacle de la compagnie L'Aéronef qui s'appelle Oui, c'est ça. S l'infini debout. Oui. Quel est ton rôle ? C'est de relater en fait ce qu'ils font au niveau des ce qu'ils appellent les étapes de travail. Tu ne participes pas au spectacle, tu filmes les répétitions actuellement, construction du spectacle. Exactement, ouais, ce qui se passe, c'est-à-dire essayer de montrer un maximum de visuel en fait. On a besoin de ça, je pense, pour promouvoir la plupart des spectacles. Et du coup, je suis là, effectivement, je joue ce rôle de fusible pour la communication, en gros. Mais je suis pas partie prenante en fait du spectacle en lui-même. L'exposition Excursus, c'était au moment du week-end de Pâques. Ça a duré 5-6 jours. Et il y avait les photos de Dominique Georgel, un photographe qui s'amuse depuis déjà 3 ans, c'était la troisième édition, à photographier Anne Marion, danseuse chorégraphe, dans différentes situations et surtout différents endroits. Elle est toujours en mouvement, elle danse, ce ne sont pas des pauses. Elle danse et lui essaye de justement capter l'instant et ça donne des photos que moi je trouve magnifique. Ah oui. Et puis à cette exposition, il n'y avait pas que ces photos, il y avait aussi deux vidéos dont tu viens de nous parler un petit peu. Tu avais filmé toi aussi Anne dans deux différents endroits. Il y avait la rotonde de Thaon-les-Vosges. Oui, c'est ça. Et puis l'autre, je sais plus. Et l'autre, c'était le musée des pompiers à Épinal. Et on partait d'une Anne à cette multitude, et comme tu le disais, elle démultipliait, dupliquait un peu partout dans l'endroit, et à un moment, elle se retrouvait, elle se dispersait puis se retrouvait. C'est ça, un peu comme un poulpe qui se recueille à un moment donné. T'as vu, on en revient toujours au même, Méduse. Endroit. Ouais. J'aime bien ça, cette idée. Ouais. Et il y avait, j'ai été bluffé par ta série de danseuses, une vingtaine de toiles, petit format. 25 exactement, de 20 cm sur 20, oui. Ce n'était pas la même danseuse, ce n'était pas la même position à chaque fois. C'était pas Anne d'ailleurs en fait, c'était une sorte de projection d'avatar de danseuse en fait, de danseuse différente, mais que j'imaginais comme une seule et même danseuse. C'est-à-dire qu'effectivement il y a plein de postures différentes et que je projetais dans un univers graphique encore différent. Enfin bref, c'était de l'image dans l'image en fait, hein. Vraiment essayer de démultiplier et de d'avoir une vision un peu différente effectivement de la danse et dans un univers, un endroit différent. On va parler de vos inspirations à chacun. On a déjà, on en a cité, vous en avez cité quelques-unes. Toi, Julien, tu viens de l'univers rock'n'roll, plus particulièrement le grunge, ouais. Que ça soit Sonic Youth, Nirvana, et puis le troisième. Dinosaur Junior. Mais oui. Que j'ai vu d'ailleurs en première partie pour la petite histoire, hein. Tu les as vus en concert? Ouais. Ah, moi aussi, au Zénith, en première partie de Sonic Youth. Ah ouais? Il y a une dizaine d'années. Ah ouais, d'accord. Ça cartonne. Alors là, les oreilles, les amis, je vous le dis pas, hein. Ouais, ouais, c'est pénible en concert. Hein, oh là là! J'aime bien les disques en concert, c'est chiant. Ouais. Alors, ouais. En tout cas, c'est là qu'il faut utiliser les bouchons. Bon, bref, ça c'était pour les, pour les références. Et toi, Serge, en référence, en tout cas, tu as cet attrait pour la danse, les danseuses. Ah, les danseuses. Je pense que Julien, il peut en parler. Il doit aussi avoir cet attrait, bizarrement. Il y a plein de gens qui ont des attraits pour les danseuses. Je prends un attrait pour les danseuses. Mais toi, Julien, on le retrouve pas dans son travail. Toi, si, Serge. Ben, ouais, parce que je pense que la vidéo, déjà, c'est pour capturer du mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il y a finalement de plus emblématique dans le mouvement? C'est la danse, je pense. Puis naturellement après le fait de rencontrer des personnes qui dansent et des associations qui te demandent en fait de faire des choses avec eux dans ce domaine-là, je trouve ça ouais très intéressant. Tu filmes et tu peins puisqu'il y avait cette série de danseuses. En plus, une de tes spécificités que j'ai remarqué sur cette série et qu'on retrouve dans d'autres de tes tableaux, notamment sur la qu'on peut voir sur la page Facebook Serge Dao Paintings, c'est, alors je sais pas comment toi tu vas nous en parler, comment ça s'appelle, tu mets l'accent par des figures géométriques pour ta série de danseuses. C'était à chaque fois une figure différente. Donc il y avait la danseuse. Oui. Il y avait une figure géométrique rouge qui changeait. C'était des triangles, mais parfois coupés par le bord du tableau. Oui. Et ça mettait. Alors on peut croire que cette figure va cacher une partie de la danseuse, mais au contraire, c'est une transparence et ça met en avant comme une lumière une partie du corps ou du mouvement. Oui, effectivement, il s'agissait d'un collage qui mettait en exergue en fait les différentes dynamiques des postures. Donc un triangle effectivement à chaque fois, parce qu'on, alors ça s'explique parce que dans les vidéos, c'est un peu compliqué de parler de choses en fait qu'on peut pas montrer à la radio. Mais les gens vont aller sur la page Serge Dao Paintings. Serge, ben c'est pas Serge comme ton prénom, hein, il y a une subtilité, c'est le J au lieu du GE et Dao, DAO. C'est ça. Et je sais plus où j'en étais. Tu expliquais comment tu mettais en exergue une partie du mouvement ou du corps. Oui, des différentes lignes de force du dessin et c'était le choix délibéré de mettre un triangle. C'était suite aux vidéos où dans la rotonde par exemple on avait travaillé sur surtout du circulaire évidemment par rapport au lieu, hein, à côté in situ. Dans la deuxième vidéo, il y avait un fond qui était composé de rectangles, si tu te souviens bien, de rectangles très rouillés en fait au niveau de la compo, enfin du fond. Et donc la troisième forme en fait universelle qui s'imposait finalement dans le dessin, c'était le triangle qui venait compléter les autres. Et donc par rapport à ça, c'était un triangle qui venait cacher, dévoiler en même temps, mettre en avant, en lumière et habiller un peu aussi la danseuse qui était nue. Enfin bref, c'était à mon avis pertinent comme forme géométrique et puis comme façon de le montrer. Voilà. Il y a un aspect visuel et il y a aussi une symbolique. Pour le... Mais j'ai l'impression, dans ce que tu dis là, pour avoir utilisé notamment ces formes. Oui, symbolique, enfin, plus que conceptuel que symbolique, oui. Ouais, c'est vrai. Bah, on essaie toujours de donner du sens et de la pertinence à ce qu'on fait, ce qui est pas toujours facile. Après, bon, c'est peut-être aussi théorisé sur des choses qui sont parfois simples et naturelles, mais oui, quand on cherche un peu, ça vient de là, oui. Julien. Oui. Ne t'endors pas. Réveille-toi. Café. On parle de géométrie, ce sont des mathématiques, et la musique, et plus particulièrement la musique pop, ça peut être, je sais pas, une formule, puisque toi, moi, je lis un peu partout sur Internet, Julien Bouchard arrive à composer, à écrire des chansons pop parfaites. C'est le maître de la chanson pop. Quels sont les ingrédients? Est-ce que justement il y a une formule? Alors c'est très compliqué. Il y a en tout cas, juste avant que tu répondes, moi je veux dire, c'est pas que des critiques que je lis, hein, c'est que si vous écoutez des chansons comme tu viens de nous interpréter, par exemple Hungry Man, la mélodie mais reste en tête. Moi, depuis quelques jours, j'ai tes mélodies en tête. Ah bah c'est tant mieux, c'est le but. C'est le but. Comment on fait? Bah c'est simple, hein, couplet-refrain, bon, couplet-refrain. Oui, mais il faut que ça soit accrocheur, c'est une mélodie. Ouais, mais tu sais que j'ai pas trouvé la chanson encore ultra tube, quoi. Je pensais que j'avais réussi, mais non. Est-ce que tu pensais un gros tube un jour avoir réussi avec Sans Regret? Ouais, je pensais un peu avoir réussi, ouais. C'est pas assez clair, en fait, pour la grosse radio, tu vois. Mon but, c'est pas non plus de passer sur la grosse radio absolument, mais j'aimerais bien quand même faire un truc ultra évident, parce que même moi, quand je fais des chansons, je me dis, c'est simple, en fait, c'est quand même trop compliqué, tu vois. Et ça, c'est moi, j'arrive pas à sortir de ça, de faire un truc très simple, très, très évident, quoi. Et quand on parle de référence, hein, c'est vrai que une de tes idoles, Kurt Cobain, lui, arrivait parfaitement à faire ce genre de mélodie évidente. Ouais, avec trois accords et puis terminé. Ouais, mais ça c'est un talent que j'ai pas moi. C'est compliqué de faire simple en fait. Ça reste Sans Regret. Ouais, oui. Allez. Comment tu fais pour composer? Du coup, tu gratouilles un peu. Ah bah voilà la réponse, Serge. Tu poseras ta question après. Ah bah merci. Nager les pieds sur terre ou tanguer finalement. L'été en somme nous faire fatiguer de changer d'air continuellement. Je n'ai rien fait. On scandait la première, ah ouais, tu l'aimais tant. Tu ressemblais à ta mère, tu étais beaucoup plus belle, tu trouvais tout le sang. Je n'ai rien fait, je n'ai rien vécu, je n'ai rien dit, je n'ai rien entendu. C'est sans regret, bien entendu, ton cœur se lève. Je n'ai rien fait, je n'ai rien vécu, je n'ai rien dit, je n'ai rien entendu, c'est sans regret, bien entendu, ton cœur. je le sais, tu as aimé cette mélodie, ce titre sans regret, par Julien Bouchard, extrait de l'album Songs from La Chambre. Pourquoi ce titre d'album ? Alors, c'est un mix entre de l'anglais et du français, comme il peut y avoir sur le disque. Et c'est mon pote, justement, Jean-Yves Seigneur, qui a fait la mise en page de l'album, et qui a trouvé ce titre. Parce que, ben, comme tu dis, hein, ça évoque bien le contenu, c'est des chansons en anglais et en français. Ouais. Et là aussi, en évolution, hein, puisque jusqu'à présent, tu écrivais qu'en anglais pour tes groupes. Ouais. Et pourquoi maintenant il y a du français aussi ? Parce que je fréquente plein de musiciens qui chantent en français, ça m'a donné envie de le faire. Et puis on a beaucoup parlé de ça et c'est vrai que c'était un peu un challenge pour moi qui écrit depuis toujours en anglais, dans le sens où comme je l'ai jamais fait, je savais pas vraiment comment aborder cette étape, ce palier là. Et c'était un challenge que j'avais envie de me donner. Et je trouve que je suis assez satisfait de ce que ça donne. Alors du coup, sur le prochain album, je vais essayer d'en mettre plus en français encore. Tu es en train de travailler sur le prochain album ? Ouais, je suis en train de maqueter là, des chansons. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on disait jusqu'à présent sur tes projets de groupe, c'était ce qu'on appelle un EP, un 4-5 titres, puis un album, et c'était fini. Là, on sait que Julien Bouchard, sous ton nom, il y aura un deuxième album. Ouais, et puis il y aura toujours des albums parce que Julien Bouchard sous mon nom. Du coup, je peux en sortir quand je veux. J'ai zéro pression. Il y a pas de voilà. Si là, je vais refaire un disque. Si dans 10 ans, je vais refaire un disque sous mon nom, bah je le ferai. Parce que c'est mon nom. C'est pas un projet. C'est pas un nom de projet. Donc voilà. Hot Puma Records, ton label belge, ne te presse pas, ne te dit pas que tu dois en sortir un, ne te donne pas d'échéance. Non, c'est ultra cool. Tu es libre. Cool. Ouais. Et Songs from La Chambre, c'est aussi, ça s'appelle comme ça aussi parce que c'est là que t'as composé, enregistré. J'ai tout fait dans un grand appartement et plus particulièrement dans une pièce, quoi, dans ma chambre, quoi. J'ai tout enregistré, tout composé là-dedans. Sauf les batteries. Serge, si vous voulez savoir à quoi ressemble Serge, Julien, c'est facile, hein, vous tapez Julien Bouchard, il n'y a pas de piège, ça s'écrit comme ça se prononce, on voit ta tronche. On voit ma tronche, et il y a un patineur artistique qui s'appelle Julien Bouchard aussi, je crois. Ah, je ne l'ai pas trouvé. Ah, tu ne l'as pas trouvé. Tu passes avant ce patineur. Ah, ben c'est bon ça. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Serge, vous avez peut-être vu, c'était jeudi. Que Serge est passé dans le journal, et il faut le savoir. Serge, alors là, tu vas tout nous expliquer. Oui. Vous prenez, ne sois pas déconcentré, Julien, je sais, il y a du monde qui arrive dans ce studio, mais reste dans ce qu'on dit. Prends le journal de jeudi à la page d'Épinal, et là, tu vois un article concernant l'afterwork organisé par le Centre d'affaires numériques de la Chambre des commerces et de l'industrie. Oui. On voit 5-6 personnes hilares, heureuses d'être là, au premier plan, au second plan. Et au premier plan, il y a, c'est là que vous découvrirez Serge. Alors Serge, explique-nous déjà ce que c'est que cet afterwork organisé par la CCI des Vosges. Et puis après tu nous diras, oh non, je garde la seconde question, réponds déjà à la première. D'accord, j'attends la seconde d'après, mais... en fait j'étais en train de signer pour des Airbus A380. Non mais c'est ça, alors je vais tout de suite passer. C'est vrai que ça fait un peu signature comme ça, entre l'Orient et l'Occident, mais... La photo, alors on voit le Serge, on a l'impression qu'il est en train de signer le contrat de sa vie, il est super heureux, mais ce qui est balèze, c'est que il est devant une feuille, mais il n'y a pas de stylo, je sais pas comment t'as fait pour signer le contrat. C'est la classe. C'était quoi cet afterwork ? En fait, je les vois beaucoup en ce moment pour de l'infographie. Je travaille sur des projets top secret. Je peux pas trop en parler d'ailleurs, c'est vrai en fait. Mais je leur fais un petit dessin quand même chaque semaine. Chaque jeudi. Effectivement, le dessin du jeudi. Type dessin de presse, et ça m'éclate vraiment. Caricature. Ouais, des protagonistes en fait qui travaillent sur place. Qui font partie de ce centre d'affaires numériques de la CCI. On les voit. Et notamment un qu'on peut voir, hein, qui est chargé de mission à ce centre d'affaires numériques, qui s'appelle, c'est Martin. Oui, Martin Bouvron, oui. Ah, il s'en prend, Martin. Ah, il adore ça. c'est le pire, c'est qu'il adore ça. Et si vous voulez voir ce dont on parle, je pense que de toute façon, c'est sur la page Facebook du Centre d'affaires numériques de la Chambre des commerces et d'industrie. Et sinon, c'est sur Serge Dao Pentis, non, ou c'est sur plutôt Medus Prod, hein, la page de Medus Prod. Qu'on voit les. Ah, pour les dessins, oui, c'est Medus Prod. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que de plus en plus, en fait, je vais essayer d'utiliser la page Medus Prod pour essayer de concentrer un peu plus toutes ces choses que je fais. Parce qu'après, c'est vrai que on a du mal, en fait, à comprendre que Medus Prod peut faire tout ça. Bon, bref. Mais moi, j'aimerais quand même que tu nous dises, puisque ça pourrait peut-être servir. Alors, je sais pas s'il y aura un prochain afterwork, oui. Peut-être. Je pense que ça peut être utile. Ça concerne qui? Pourquoi la Chambre des commerces et de l'industrie des Vosges organise ça? C'est donc le centre d'affaires numériques au départ. Ça dépend de la CCI, je crois. Hein. De la CCI, mais plus une succursale de la CCI qui est le centre d'affaires numériques qui est juste à côté de la gare d'Épinal. Avec Pôle emploi, je veux dire, c'est dans le bâtiment. C'est juste à côté. C'est pas dans le quai des affaires exactement, c'est à côté, et eux s'occupent en fait de tous les porteurs de projets numériques, tous ceux qui ont besoin effectivement de sites internet ou qui vont développer tout ce qui a trait au numérique. Et donc c'est pour ça que je suis allé pousser leurs portes. Donc les afterworks sont dédiés aux personnes qui sont porteuses de projets et qui vont chercher aussi des compétences numériques comme des web designers, des graphistes, etc. Voilà. L'originalité, c'est finalement de se retrouver dans un endroit qui est plutôt convivial, comme un bar. Ah, ça c'est la cerise sur le gâteau, oui. Bah, en fait, je pense qu'on signe plus facilement. Exactement. On signe plus facilement autour d'un verre que sans verre, hein. C'est pour ça que vous étiez tous hilar, là, le sourire, la banane sur la photo. Ouais, on n'avait pas encore bu, en plus. Ouais. En tout cas, tu le conseilles, ça. L'afterwork, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, je crois, parce que c'est la première. Oui, il y en a d'autres et ça permet d'augmenter le réseau et de mutualiser, en fait, les efforts de chacun pour obtenir une sorte de superstructure, enfin. Pour essayer de concentrer en fait toutes les compétences de gens qu'on ne connaît pas forcément, et les rencontres elles sont vitales en fait pour nous, oui. Et ça crée ce mot que tu as déjà employé en début d'émission, des synergies. Exactement, c'est ça. Si vous êtes porteur de projet, de start-up, étudiant, vous pouvez joindre ce centre d'affaires numériques à Épinal. Ils sont très très sympas d'ailleurs, vraiment. Ils se feront un très grand plaisir, en tout cas, de vous accompagner dans vos démarches. Serge, dans tout ce que tu fais, et notamment au point de vue des vidéos, avec Medus Prod, tu proposes aux entreprises, de toute façon, comme tu l'expliquais, hein, ça peut être tout type de personnes, les particuliers aussi, pour des faire-part de naissance, mais là aussi, c'est ce que tu as déjà fait, mais ça peut s'ouvrir, c'est-à-dire que la personne peut te contacter et te demander quelque chose que tu n'as pas encore créé, par exemple le clip musical, tu n'as encore jamais exercé. Jamais. En revanche, j'avais fait des clips pour une association qui s'appelle Tendance 88, que t'avais peut-être vu sur la page du site. Donc oui, il y a moyen quand même toujours, de... Hein, ouais, c'est ça. Mais de toute façon, avec Julien, on mettra des danseuses quand même dans son clip. Hein. C'est obligé. Si vous voulez contacter Serge pour faire appel à ses services, il y a un numéro de téléphone. Oui. Que je vais donner, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. C'est le 06 81 13 82 12. 06 81 13 82 12. Vous pouvez faire appel aux vidéastes, mais également aux peintres, aux dessinateurs, aux photographes, c'est la même personne. C'est ça. Et je filme aussi les bar mitzvahs et, et je fais du porno vintage, c'est pour ceux qui s'intéressent. Ah, mais je vois l'œil de Julien Frisé. Ça peut l'intéresser. Ah, apparemment, oui. Mais pourquoi? Dans les clips musicaux, ce n'est pas du porno vintage. Il y en a un clip musical assez chaud là. Ah oui? Ah bah je l'ai pas vu celui-là. C'était fait par le boss de mon label là. C'est pour quel titre? Prendre le temps. Il a récupéré des vieilles images. C'est vraiment chaud, mais c'est avec des vieilles images. Vous n'allez pas voir ce clip, quoique si vous pourriez le voir sur la chaîne YouTube de Hot Puma Records, mais on peut l'entendre. Oui. Est-ce qu'on écoute issu du CD ou tu nous la joues dans le studio? Mets-le sur le disque, il y a plein d'arrangements. Oh, il veut rien jouer aujourd'hui. J'ai pas réveillé. J'avais dit à Stéphane, à Serge, tu vas mais voir. Mais si tu veux, je t'en joue une autre. Si. Peut-être tu la joueras pour finir. On écoute prendre le temps comme on en a parlé. Ok. Et puis on va s'imaginer, si vous n'avez pas vu le clip, imaginons ce que ça peut être. Ah ouais, mais c'est à l'opposé de la musique, hein, le clip. Nos chances ensemble, enlacés, on marchait sur le bord, sans glisser, on est fort ensemble, enlacés. Ça fait du bien de prendre le temps avec Julien Bouchard et son album Songs from La Chambre. Le problème, c'est que là, faut qu'on se grouille, on est pressé. Exactement. Julien Bouchard, il est ici avec Serge Dangam. Et Julien, c'est marrant parce que là, on est en plein dans le printemps de Bourges. Et toi, tu y as joué l'année dernière dans le cadre des Inouïs du printemps de Bourges. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une découverte, quoi. C'est tu es estampillé la belle découverte du printemps de Bourges. Et c'est pas n'importe qui hein, qui est amené à jouer là-bas pour cet événement, ce gros tremplin. C'est un gros tremplin. Puisque il y a, je crois, chaque année 3500 artistes à peu près qui s'inscrivent et 30 sont retenus. Ouais, et celui qui a gagné l'année dernière, ce truc-là, c'est un mec qu'on voit partout maintenant, hein, qui s'appelle Eddie Depreto. Ah ouais. Ouais, c'est lui qui a remporté la Palme d'Or du festival. Et voilà. Et alors donc du coup, ouais, on voulait parler de la falaise par rapport à ça, puisque donc je fais partie d'une association label à 360, comme on dit maintenant, pour supporter certains de nos projets et puis être un peu autonome dans le monde difficile de la musique. Donc c'est un label qui s'appelle La Falaise et 100% vosgien avec certains de nos projets qui sont dedans et notamment un groupe aussi moitié spinalien, moitié strasbourgeois qui s'appelle Poster Boy Machine et qui est lui cette année aussi aux Inouïs du Printemps de Bourges et qui a joué hier après-midi. Vous organisez des soirées pour cette association ? On a organisé une première soirée à Metz mercredi dernier là et on va faire quelque chose à Épinal en association avec le 46 justement. À la plomberie, certainement, début juin. Avec des groupes locaux. Votre but? Notre but, c'est promouvoir un peu des groupes qu'on aime bien, être indépendant et autonome au niveau de certains de nos projets aussi, et puis de mettre toutes nos ressources en commun et pouvoir avancer main dans la main avec nos potes, parce qu'on commence à avoir un peu tous du réseau, chacun de notre côté, et du coup, on a envie de mutualiser tout ça. Vous vous rejoignez aussi là-dessus sur ce point, Serge. Toi aussi, tu mutualises, vous essayez de vous retrouver entre artistes. Ouais, c'est toujours en fait délicat parce que par définition, on aime bien quand même se retrouver avec soi-même souvent. Et c'est vrai qu'après retrouver des personnes avec qui on a des affinités, ça a toujours un intérêt, un réel intérêt quoi, artistique, social et le reste, oui. Tu as exposé oui. Dans différents endroits. Tout à l'heure, on parlait de l'exposition Excursus. C'était à la galerie Bailly à Épinal. Tu as exposé oui. À Nancy, à Paris, entre autres. Et il y a des œuvres qu'on peut voir sur la page Facebook Serge Dao Paintings. C'est moi ça elles m'ont marqué parce que là aussi, il y a une spécificité. Je vais appeler ça des portraits dégoulinants. Oui, c'est ça. Oui, ça coule beaucoup. Une série, hein. Tout à l'heure on parlait de la série de danseuses, mais là aussi, une série, mais je sais pas combien qu'il y en a, c'est toi ton truc, ce sont les portraits, et d'une manière très particulière. Ce sont des portraits qui sont assez grands, qui font un mètre sur un mètre à peu près, et des portraits d'icônes que je me remémorais en fait par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans mon enfance. En fait, ce sont des sortes de d'images comme ça qui restent des images rétiniennes qui comme des espèces de souvenirs. Et donc en fait je suis parti sur des icônes cinématographiques comme Marilyn, comme Brigitte Bardot, etc. et pour moi effectivement ce sont des icônes qui sont restées gravées dans ma mémoire et qui sont dégoulinantes parce que elles deviennent objets de consommation. Et donc, ces coulures, en fait, sont comme une espèce de code-barre qui viendrait signer, en fait, cet objet de consommation en lui-même. Elles se déclinent sous toute forme, en fait, sous forme filmique, sous forme de magazine, sous forme de photos, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a un objet, en fait, plus qu'un portrait, finalement. Et au final, ça représente quand même l'icône à chaque fois, avec ses traits, oui. Ses coulures, oui. Avec des couleurs très vives. Ça m'a fait penser un peu au pop art. Oui, c'est ça, oui. Oui, je m'en suis largement inspiré, oui. Ça, Andy Warhol, ça me parle beaucoup, oui. Je l'ai toujours trouvé très audacieux et très pertinent dans tout ce qu'il faisait, oui. Là aussi, hasard ou pas, dans ces icônes, il y a pas que... mais en grande majorité des femmes. À part Nicholson, enfin, sur en tout cas la page Facebook, oui. J'ai juste vu Nicholson, Travolta, et puis deux autres, il y avait Bruce Lee, mm-hmm. Et un autre que je n'ai pas reconnu, un quatrième. Tu te rappelles plus qu'il y a ? Qu'est-ce que ça pouvait être ? En tout Al Pacino, cas, peut-être ? Ah, c'était Al Pacino, t'as raison. Dans Scarface. C'est, oui, ouais. C'est ça. Et tu... Bah alors, pourquoi peu d'hommes ? La femme est mise en avant ? Les icônes sont plus pour toi des icônes féminines. Oui, c'est ce qui me restait un peu en tête parce que le cinéma, c'est vrai que ça m'a toujours hanté en fait étant gamin. Ça m'a d'ailleurs donné envie de filmer ce que je fais aujourd'hui, enfin à mon échelle évidemment. Hein. Mais peu d'hommes peut-être parce que les femmes sont plus mises en avant peut-être sur l'hôtel de people, j'en sais rien, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir ces œuvres ailleurs que sur la page de Serge Dao? Quelle belle transition, Mika. Et oui, elle peut être exposée donc au centre d'affaires numériques juste à côté de la gare d'Épinal. Et ça vous donnera l'occasion justement d'aller visiter l'architecture qui est plutôt pas mal, qui est assez réussie, oui. Dès maintenant ? Tout bientôt, je sais pas quand exactement, quand ils auront effectivement reçu les systèmes de fixation, voilà. Et c'est bien, hein, puisque ça rejoint encore une fois la boucle est bouclée, on en parlait du centre d'affaires numériques tout à l'heure. Exactement. Et tu as même donné l'adresse avant qu'on ait besoin de le savoir. Enfin, si, les personnes qui étaient porteuses de projets, par exemple, pouvaient oui. déjà s'y rendre, mais là, si on a envie de voir tes œuvres, ah ben c'est l'endroit. Puis je vais montrer à Julien quand même ta petite carte de visite, voir... alors là, de loin, tu la verras peut-être pas, hein, mais tu iras voir aussi sur Internet. Je l'ai. Ah, Marilyn, dégoulinante. Ouais. Ah, c'est l'autre. Et c'est quoi que t'as, toi? Hein? Ah toi, il y a pas de portrait. Non, ah bah non, mais elle vaut pas le coup celle-là. C'est Métis Prod. Ouais, c'est mais ça. Le logo, il vaut le coup justement avec le... Et puis le graphisme. Parce que logo. J'ai plusieurs personnalités, c'est pour ça, ils sont plusieurs dans ma tête. C'est bien, un bon artiste a plusieurs personnalités. Julien, est-ce que nous ne finirions pas par un titre Allez, joué j'ai enlevé mon casque cette en fois. Direct. Ouais. Oui, ça te perturbe. C'est quel est ce morceau? C'est loin de toi. Si loin de toi, mais ça... Ah bah si, il est extrait de l'album Songs from La Chambre, voilà. Qu'on peut se procurer sur Internet maintenant, parce que je crois qu'il a été retiré des magasins au bout d'un moment. Julien Bouchard, qu'on peut entendre certains, on peut entendre certains extraits, alors c'est quand même malheureux, mais sur les radios belges. Ouais. Et pas en France. Bah si, sur les petites radios Ferrarock en France, mais pas de radio nationale en France, mais quand même, plutôt en Belgique. Alors qu'en Belgique, ce sont des radios nationales. Oui. Comment on explique ça ? Eh ben je sais pas. Parce que t'as un label belge. Je vais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il te manque des clips. Ouais. Et c'est génial en plus parce que c'était un titre justement que je t'aurais demandé si loin de toi. Alors pour finir, je pense que c'est ah l'idéal. Bah voilà. Nickel. Tu me dis, c'est bon ? Il y a. Dans cette ère de loisirs, un feu de joie que je n'ai pas vu mourir, je ne m'y retrouverai plus. Tu ne m'y reprendras plus. Quand venait la toute fin de l'été, je n'entendais plus leurs rires éclater, je ne m'y retrouverai plus. Ne m'y reprendra plus. Ah, on y croit l'éternel, ça nous rend nerveux. Je ne danserai plus avec elle avant d'être vieux. Je prendrai le temps des vacances avant de venir. J'en peux plus de ce matin. Je voudrais partir. Je ne suis pas si loin de toi. Il y a dans ces lieux trop acides, gronde là. Avec son cœur de plastique, je ne m'y retrouverai plus. Je n'en reparlerai plus. Je prendrai l'air sur ce bateau. J'y mettrai des voiles. Rien n'a vraiment d'importance. Je le pense tout bas. J'ai besoin d'une métamorphose. J'étouffe sous ces draps. Dis-moi ce que tu penses de la France. Quand je n'y suis pas, je ne suis pas si loin de toi. Je ne suis pas si loin de toi. Si loin de toi, si loin de toi. Merci Julien Bouchard. Merci la France. Pour terminer cette émission hors format, je remercie également Serge Dangam, ici présent. Ben, merci à toi Julien aussi. Merci Serge. Et puis on espère vous retrouver prochainement, en tout cas on suivra vos aventures. Merci de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup. À une prochaine. C'est ça. Ciao.